ocean. Bye. éloigner du citoyen, rend le citoyen défiant. De loin en loin, en France, le député vote déconnecté de la réalité du terrain. Révolutionnaire parce que sensible.